إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence le cours numéro 13 aujourd'hui dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، l'explication de la عقيدة de أهل السنة والجماعة. Et hier on a expliqué, on était en train d'expliquer la fin de Ayatul Kursi, qui est yani le verset du repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on continue maintenant dans l'explication des points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset. Et donc le cheikh, il va énumérer une série de points qui sont en fait des points bénéfiques qu'on peut extraire de ce verset dans le Coran. On commence inshallah. Donc le cheikh il dit: min fawaid hadhihi al-ayat al-karima infirad Allah ta'ala bil-uluhiyya liqawlihi لا إله إلا هو، وهذا الانفراد شهد الله به وشهدت الملائكة به وشهد النبيون به وشهد العلماء به. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يدخلون فيه الأنبياء بطريق الأولى، لأن العلم موروث عنهم عليهم الصلاة والسلام، والفطرة تشهد بذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Donc le cheikh il explique que parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset de Ayatul Kursi, le point numéro 1, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration et qui possède al-uluhiyya, ou qui a le droit à l'adoration. Le seul qui a le droit à l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on peut le comprendre par la première phrase de ce verset: Allahu la ilaha illahu. La ilaha illahu. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et cette unicité, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul qui mérite l'adoration, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala en est témoin, ainsi que ses anges en ont témoigné, ainsi que les prophètes en ont témoigné, ainsi que les hommes de science, les ulama, en ont témoigné. Et la preuve de ça, c'est le verset 18 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses anges, et ainsi que les hommes doués de science. Et ceux qui sont doués de science, eh bien, en premier lieu, les premiers qui rentrent dans ceux qui sont doués de science, ce sont les ulama. Parce que toute la science que les hommes possèdent à propos d'Allah et de la religion, eh bien, c'est un héritage qui vient des prophètes. C'est un héritage qui vient des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et parmi les choses qui témoignent également de l'unicité d'Allah et du fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, il y a également ce qu'on appelle en arabe al-fitra. Al-fitra, ça signifie yani la nature saine et propre. Hein, la nature saine et propre de l'être humain. Elle témoigne de l'existence d'Allah et de son unicité, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et il mentionne à ce sujet la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout enfant qui naît est né sur la fitra, c'est-à-dire il est né sur le tawhid, il est né sur la nature saine et pure. Ce sont ensuite ses deux parents qui le font devenir juif ou qui le font devenir chrétien ou qui le font devenir majusi. Donc qui le font devenir majusi. Majusi, c'est les zoroastriens, ceux qui adorent le feu en Iran ou bien en Perse. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier point. Donc l'unicité d'Allah, hein, on a dit que Allah il en a témoigné, ainsi que ses anges, les prophètes, les hommes de science, ainsi que la fitra. Le point numéro 2, ithbatu al-hayati lillahi fi qawlihi al-hayyu wal-hayyu diddu al-mayyit wa qad jama'a Allah bayna ithbat al-hayati wa intifa' al-mauti fi qawlihi وتوكل على الحي الذي لا يموت. Le deuxième point qu'on peut tirer de ce verset, c'est l'affirmation de la vie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'un des noms d'Allah, c'est qu'il est le vivant. Et donc on voit dans cette ayah, ayatul kursi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illahu al-hayyu. Al-hayyu. Al-Hayyu, yani le vivant. Donc un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant. Wal-Hayyu diddul mayyit. Donc le contraire du vivant, c'est le mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni dans le verset 58 dans sourate Al-Furqan entre l'affirmation de la vie et la négation de la mort. Lorsqu'il dit dans le verset 58 dans Al-Furqan, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, et met ta confiance en al-hayy, le vivant, celui qui ne meurt pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant, celui qui ne meurt pas. Et ça, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que l'être humain doit mettre sa confiance en celui qui est vivant, et sa vie, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle. Hein, elle est parfaite, tandis que les êtres humains, hein, leur vie, elle est limitée. Et vous avez sûrement entendu peut-être cette histoire une fois dans votre vie. C'est des histoires qui existent comme ça dans certains récits. C'est pas des choses qui sont reliées ou rapportées dans les livres de religion, mais c'est des récits parmi les histoires qu'on entendait lorsqu'on était enfant. L'homme qui voulait s'enfuir de prison, et il avait organisé sa fuite. Il s'était arrangé avec l'homme qui enterre les morts. Hein, lorsque quelqu'un allait mourir, il allait se cacher dans son cercueil. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la personne qui enterre les morts: lorsque quelqu'un va mourir, la prochaine fois que quelqu'un meurt, je vais me cacher dans le cercueil avec le mort et vous allez m'enterrer avec lui. Plus tard pendant la nuit, Vous allez venir dans le cimetière pour me déterrer, comme ça je vais pouvoir m'enfuir de prison. » Alors, l'homme qui enterre les morts, il a dit, « D'accord, je vais venir la nuit te déterrer. » Alors, on a sonné la cloche pour faire savoir que quelqu'un était mort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le prisonnier, il s'est caché dans le cercueil. Hein, et il a été enterré, finalement. Puis, il attendait que la personne vienne le déterrer pendant la nuit dans le cercueil. Et donc, il était impatient, angoissé. Et jusqu'à ce qu'il trouve que, il commence à trouver que ça prenait beaucoup de temps. Alors, il a pris une allumette qu'il avait avec lui. Puis il a fait allumer cette allumette et en éclairant le cercueil dans lequel il était, il a vu le visage de la personne qui était morte. Et c'était l'homme qui travaillait dans ce cimetière. C'est-à-dire l'homme qui devait venir le déterrer, c'était lui qui était dans le cercueil avec lui. Alors, il a compris que personne n'allait venir le déterrer. Hein? Subhanallah. Donc c'est pour dire, si tu mets ta confiance en une créature, yani, c'est juste pour donner un exemple en fait, que si tu mets ta confiance en une créature, la créature elle peut mourir. Mais si tu mets ta confiance en Allah, subhanallah, Allah il est vivant, il ne meurt pas. Naam. Le point numéro 3, le Cheikh il dit Anna hayat Allah ta'ala kamilatun li'annaha siqat masaq al-madh la wala madh fi al-hayati idha lam takun kamilatan wa laqad sadaqa ash-sha'ir al-arabi haythu qala la tiba lil-'ayshi ma damat منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم يعني ليس هناك طيب للعيش إذا كانت لذاته نعم إذا كانت لذاته لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم يعني ليس هناك طيب للعيش إذا كانت لذاته منغصة بتذكر الموت وتذكر الهرم لأن الإنسان إما أن يهرم أو أن يموت قبل الهرم وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته وكونه عالة على أهله ولهذا قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لأنهما إذا بلغ الكبر صار عالة على غيرهما فيقول في هذه الحال لا تجر منهما. Donc le cheikh il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il est Al-Hayy, il mentionne un de ses noms, il mentionne la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses attributs c'est la vie, il est vivant. Mais c'est pas suffisant de seulement affirmer qu'il est le vivant, mais il faut mentionner que sa vie est une vie qui est parfaite. Que sa vie, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une vie qui est entière, complète et parfaite. Parce qu'elle a été mentionnée dans le contexte de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de glorification dans le simple fait d'être vivant seulement, si cette vie-là n'est pas une vie qui est complète. Et il cite la parole d'un poète. Et il mentionne que cette parole du poète en question, elle n'est pas ramenée à un poète spécifique, c'est-à-dire on ne sait pas qui est-ce qui l'a mentionné, cette poésie-là ou cette parole-là, mais qu'est-ce qu'elle signifie en face d'une certaine, dans le sens général, c'est que il n'y a pas, yani, un bien à la vie elle-même, surtout lorsqu'on sait que tout ce qu'il y a dans cette vie-là va nous amener tôt ou tard à la vieillesse, et à la mort et à la vieillesse. Donc même si dans cette vie tu as des plaisirs, il y a des bonnes choses dans la vie, des choses qui sont plaisantes, mais tout ce que tu peux avoir de plaisant dans la vie, lorsque tu te rappelles la mort et lorsque tu te rappelles la vieillesse, eh bien ça te fait comprendre que le bien qu'il y a dans cette vie-là, il est peu, il est limité. Et il dit que l'être humain, c'est comme ça. Donc, soit qu'il devient vieux ou bien qu'il meurt avant de vieillir. Et donc, il dit, regarde la personne lorsqu'elle devient vieille, lorsque la personne vieillit, comment elle est, c'est quoi son état? Il devient faible, sa vue devient plus faible, son ouïe devient plus faible, il perd sa force, il perd sa mémoire, et il a besoin de sa famille pour s'occuper de lui. Et c'est pour ça que dans le verset 23 dans sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement à ce sujet, on a dit le verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si l'un d'eux ou tous les deux parmi tes parents doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur une parole respectueuse. Et donc, lorsque les parents atteignent la vieillesse, ils ne peuvent plus faire les choses par eux-mêmes. Ils deviennent faibles, fatigués. Et c'est pour cette raison-là que dans cette situation-là, tu ne dois pas les réprimander et les blâmer ou les parler d'une manière dure. Mais plutôt, tu dois être miséricordieux avec eux et doux avec eux. Donc ça, c'est la réalité de la vie de l'être humain. Elle se termine par la vieillesse ou par la mort. Tandis que la vie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comme ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, sa vie, elle est entièrement parfaite. Elle n'a pas de fin. Le point numéro 4 dans les points bénéfiques qu'on peut tirer de Ayatul Kursi, Ithbatul Qayyumiyyah lillahi annahu qa'imun bi nafsihi wa qa'imun ala ghayrihi liqawlihi ta'ala al-qayyum fa in qala qa'ilun ayna dhikrul hayati wa ayna dhikrul qayyumiyyah qulna li anna al-hayy مشتق من الحياء والقيوم من القيومية واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة ولا عكس ووجه ذلك أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها الحسنى ولا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معاني أما الأسماء الجامدة فليس فيها حسن وما هي إلا علم فقط ولهذا لا نسمي الله عز وجل بالصانع ولا المريد ولا بالمتكلم ولا بالمستهزئ ولا بالماكر لأنه لا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم. Donc, on va expliquer ici un point que le cheikh a mentionné. Il explique également que parmi les points qu'on peut tirer de Ayatul Kursi, l'affirmation de Al-Qayyumiyyah. Donc, dans le verset, Allah dit Allahu la ilaha illa hu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu, c'est le vivant, Al-Qayyum. Al-Qayyum, on a expliqué déjà quand on a parlé du verset au début, quand on l'a expliqué. Al-Qayyum, c'est celui qui se tient par lui-même et qui, et sur qui tous les autres dépendent. Donc, c'est-à-dire celui qui se suffit à lui-même et sur qui toutes les autres créatures, toutes les choses dépendent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Al-Qayyum. Hein? C'est lui qui se suffit à, il se suffit à lui-même, il se tient par lui-même et toute autre chose a besoin de lui. Donc si on demande, ou si quelqu'un posait la question, où est-ce qu'elle est la mention de la vie, et où est-ce qu'elle est la mention de Al-Qayyumiyyah, il explique le cheikh que en fait la vie elle est dérivée du mot, hein, ou plutôt le vivant est dérivé de la vie. Al-Hayy mushtaqqatun min al-haya et Al-Qayyum min al-Qayyumiyyah. Donc le vivant est dérivé de la vie et Al-Qayyum est dérivé de Al-Qayyumiyyah. Et donc il faut savoir qu'en réalité, comme on l'a déjà expliqué dans les points précédents, dans l'introduction, que tous les noms de chaque nom d'Allah, on peut extraire une attribut. De chaque nom d'Allah, on peut extraire une attribut, mais pas le contraire. C'est-à-dire on ne peut pas extraire de tous les attributs un nom. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit en, ou il a décrit ses noms comme étant husna, comme étant beau, hein, et bon. Et donc un nom n'est pas bon excepté s'il a une signification. Un nom n'est pas considéré bon excepté par rapport au fait qu'il a une signification qui est bonne. Et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont donc bons parce qu'ils contiennent une signification, et c'est cette signification qui est l'attribut en fait. Et sinon les noms, comme on dit en arabe, al-asma al-jamida. C'est quoi les noms, l'asma al-jamida? C'est les noms qui sont pas dérivés, ou les noms qui n'ont pas de signification, juste comme quelqu'un par exemple qui a un nom, quelqu'un qui s'appelle par un nom quelconque qui n'a pas de signification, on ne dit pas en arabe que ce nom-là fait partie des noms qui sont beaux. C'est seulement un nom propre, quelque chose qui désigne un endroit ou un lieu ou une personne, mais qui n'a pas nécessairement une signification. Tandis que ça, c'est pas le cas des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms d'Allah ont toujours une signification. Et il explique, le cheikh, que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par des noms qui sont tirés de ses attributs, excepté si Allah s'est appelé par ce nom-là lui-même. Comme par exemple, As-Sani' ou bien Al-Murid. Allah, il a Al-Irada. Parmi ses attributs, c'est qu'il a la volonté. Mais on ne peut pas l'appeler Al-Murid, parce que ça ne fait pas partie des noms qu'il s'est donné. De même que As-Sani', hein, Allah subhanahu wa ta'ala yasna', mais on ne peut pas l'appeler As-Sani' ou Al-Mutakallim. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallim, Allah subhanahu wa ta'ala il parle, mais on ne l'appelle pas Al-Mutakallim. Ou bien Al-Mustahzi, yastahzi'u bil-munafiqin, yastahzi'u bil-kuffar, walakin on n'a pas le droit de l'appeler Al-Mustahzi, celui qui se moque. Donc on ne va pas appeler Allah le moqueur, le parleur, ou des choses comme ça. Ou bien Al-Makir, le comploteur. Parce que c'est pas parce qu'on peut affirmer une attribut qu'on a le droit d'en faire un nom. وَهُنَا قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ قَالَ الْعُلَمَاء لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا وبشرطين إن كان غير متعد. ثلاثة شروط إن كان متعديا وشرطين إن كان غير متعد. فإذا كان متعديا فلا يتم به الإيمان إلا إذا آمنت بالاسم والصفة والأثر أو الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. وعليكم السلام ورحمة الله. ومثال ذلك السميع من أسماء الله، فمن آمن بأن الله سميع ولكن لم يؤمن بأن الله سمع بأن له سمعا فإنه لم يؤمن بهذا الاسم. ومن آمن بأنه سميع ذو سمع لكن قال إنه لا يسمع فإنه لم يؤمن بهذا الاسم. إذن لا بد أن تؤمن بأنه سميع، أي تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة له وبأنه يسمع أثرا أو حكما. وإذا كان الاسم غير متعد فللإيمان به شرطان: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة. فالحي اسم من أسماء الله، تؤمن بأنه الحي وتؤمن بأن له حياة فقط، ولا تؤمن بشيء ثالث لأنه لازم غير متعد، فكيف يكون له شيء يتعدى إليه؟ Donc le cheikh il explique ici un point. Il explique qu'il y a une règle chez les ulama. Et que cette règle c'est quoi? C'est que pour que tu crois ou pour que tu sois considéré comme ayant la foi en les noms d'Allah, il faut respecter trois conditions. Et dans certains cas, il y a deux conditions seulement. Donc, dans quel cas il y a trois conditions, dans quel cas il y a deux conditions? Quand c'est un nom qui est basé, qui est tiré d'un verbe qui est transitif, alors dans ce cas-là, il y a trois conditions. Et si c'est un verbe qui est intransitif, alors dans ce cas-là, il y a seulement deux conditions. Et donc, on va lire l'explication de ça. C'est que si un nom est transitif, hein, si un verbe est transitif plutôt, eh bien, le nom qui est tiré de ce verbe, ou bien qui est à l'origine de ce, le verbe qui est à l'origine de ce nom, tu dois y croire, et pour qu'on dise de toi que tu as cru en ce nom, il faut que tu aies cru en le nom lui-même, en l'attribut qui en découle, et en les faits, ou en le verdict qui en découle. Qui découle de cet attribut-là. Et donc, on va donner un exemple de ça, comme le cheikh il a donné un exemple. Par exemple, tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est As-Sami'. Donc, tu dois croire que parmi les noms d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala est As-Sami'. As-Sami', ça veut dire l'audien, celui qui entend. Donc, celui qui a cru que Allah subhanahu wa ta'ala est Sami', mais par exemple, il dit, mais je ne crois pas qu'il entend, je ne crois pas qu'il a une ouïe. Hein? Eh bien, s'il dit je ne crois pas qu'il a une ouïe, ça veut dire qu'il n'a pas réellement cru en ce nom. Il n'a pas réellement cru que Allah subhanahu wa ta'ala est As-Sami', s'il n'a pas cru que Allah subhanahu wa ta'ala possède l'ouïe. Donc il ne faut pas seulement croire au nom, mais il faut croire aussi à l'attribut qui découle de ce nom. Ensuite, il dit, et celui qui a cru que Allah subhanahu wa ta'ala est audien et qu'il a l'ouïe, il possède l'ouïe, mais il dit, il n'entend pas. Hein, il n'entend pas. Alors, celui qui dit ça, il n'a pas cru non plus en ce nom. Donc, il faut absolument que tu crois en le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est As-Sami', et tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de lui, et tu dois croire qu'il entend tout. D'accord? Et ça fait partie de l'effet. Si par exemple tu dis non, je ne crois pas qu'il entend, qu'est-ce que je dis, ou qu'est-ce que je dis en moi-même, ou des choses comme ça, ça veut dire que tu n'as pas cru que Allah est As-Sami'. Il dit ensuite, وَإِذَا كَانَ الْإِسْمُ غَيْرُ مُتَعَدِّنُ. Donc si c'est un nom, hein, qui vient d'un verbe qui est pas, ou qui vient de quelque chose qui n'est pas transitif à la base, comme par exemple vivre. Par exemple, entendre. Tu peux entendre quelqu'un, tu peux entendre quelque chose, mais est-ce que tu peux vivre quelqu'un ou vivre quelque chose? Tu peux pas. Tu dis je vais te vivre. Non, tu peux pas dire ça, mais tu peux dire je vais t'entendre. C'est ça la différence entre un verbe qui est transitif et un verbe qui est intransitif. Un verbe transitif, il a un effet sur quelque chose d'autre, hein, où il entend, il peut agir sur quelque chose, sur quelqu'un. Tandis que le verbe intransitif, eh bien, il n'a un rapport qu'avec le sujet. Hein, il n'a pas de rapport avec un objet quelconque. Donc, ici, quand tu dis par exemple Al-Hay, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vivant. Hein? Et tu dois croire donc qu'il est le vivant et tu dois croire qu'il a l'attribut de la vie. Et ça, c'est tout. Et c'est tout parce que c'est ici, c'est ça vient d'un verbe, le verbe de vivre qui est un verbe qui est intransitif. Hein? Et donc, ici, il y a deux conditions seulement pour ce genre de nom-là. C'est que tu crois en le nom lui-même et que tu crois en l'attribut. Naam. Il dit ensuite, انظر إلى المعتزلة. يقولون نؤمن بأسماء الله ولكن لا نؤمن بصفاته. فنؤمن بأنه سميع ولكن بلا سمع وبصير بلا بصر أعمى الله بصائرهم أعمى الله بصائرهم فيقال لهم هل يعقل أن يوصف أحد بوصف ليس متصفا به فهل يقال للأصم إنه سميع أبدا لا يقال ولكن نسأل الله العافية هذا مصداق قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Le cheikh il dit, regardez maintenant les Mu'tazila. Mu'tazila, c'est une des sectes, parmi les sectes des gens de Bid'a qui a dévié, qui s'est éloigné de la Sunna. Et parmi les égarements de cette secte, c'est qu'ils refusent d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs. Donc tout attribut, ils refusent de l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par exemple, le cheikh il dit, donc regardez les Mu'tazila. Ils disent, nous croyons au nom d'Allah, mais nous ne croyons pas en son attribut ou en ses attributs. Donc, ils disent, par exemple, et ça fait partie des choses les plus étonnantes qu'on a jamais entendues, subhanallah, ils disent, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est audien, mais sans qu'il possède de lui. Donc ils disent Allah est audien mais ne possède pas lui. Et il dit nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est voyant mais il ne possède pas la vue. Et ça c'est de l'égarement total. Que Allah les aveugle. Le cheikh il fait un doua, il dit que Allah les aveugle. Parce que c'est pas logique d'affirmer à quelqu'un un nom et de dire que par la suite, il ne possède pas l'attribut de ce nom-là. Donc, tu peux pas. C'est pas quelque chose qui est logique. Et il dit, est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est, yani, oui, c'est ça. Il dit, est-ce que tu vas dire à celui qui est sourd qu'il est audien? Hein? Tu vas pas dire de quelqu'un qui est sourd qu'il est odieux. Et donc, ça c'est pour montrer en fait que ces gens-là, ils sont pas, ils prétendent à la raison, mais ils n'ont pas de raison en réalité. Ils prétendent à la raison parce qu'ils prétendent qu'ils renient les attributs d'Allah parce que c'est pas logique selon eux d'affirmer ces choses-là à Allah. Hein, parce qu'il se base sur la logique des kuffars et des mushrikines de la Grèce antique, les philosophes et autres. Donc ils refusent d'affirmer ces attributs-là, ils prétendent que c'est par rapport à la logique, mais ces gens-là n'ont pas de logique. Et donc il dit, comment tu peux dire de quelqu'un qu'il est odien, mais qu'il n'entend pas, ou qu'il n'a pas d'ouïe? Est-ce que tu vas dire du sourd qu'il entend? Hein? Ou qu'il a l'ouïe, qu'il est odien alors qu'il est sourd. Donc dire de celui qui est odien qu'il n'a pas d'ouïe, c'est aussi absurde que de dire à propos du sourd qu'il est odien. C'est ça le point en fait. Et le cheikh il dit, c'est en fait le résultat de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 12 dans sourate Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Non, c'est certes plutôt ce qu'ils ont acquis comme péché qui a rouillé et sali leur cœur au point de les aveugler. Ils ne peuvent plus comprendre la vérité parce qu'ils ont été corrompus dans leur cœur à cause de leurs péchés. Et le verset 5 dans Surat As-Saff, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit les Juifs, et il dit, et lorsqu'ils ont dévié, ils ont choisi la déviation, Allah a fait dévier leur cœur. Et donc ça c'est la réalité des Mu'tazila aussi. C'est la réalité des Mu'tazila. Et c'est pour cette raison qu'ils disent des choses aussi ridicule et absurde. Le cheikh il dit ensuite, le point numéro 5 qu'on peut tirer de cette surah, ou de cette ayah plutôt, أن الله تعالى منزه عن السنة عن السنة والنوم لقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإن قال قائل كيف تقولون إن صفات الله إن صفات الله عليا أي أنها اشتملت على أكمل الأوصاف والنفي عدم والعدم ليس بشيء فيقال إن هذا النفي ليس المطلق النفي ليس لمطلق النفي بل هو نفي لما تضمنه من كمال الحياة والقيومية بل هو نفي لما تضمنه من كمال الحياة والقيومية ولهذا لا يوجد في صفات الله نفي محض أبدا بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات فنفي السنة والنوم يتضمن من الإثبات كمال الحياة والقيومية لأنه إذا كملت الحياة فلا نوم وانظر إلى أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم لا ينامون وذلك لكمال حياتهم لا يمسهم فيها لغوب ولا أي لا إعياء ولا تعب فلا يحتاجون إلى النوم كما أنهم لا يموتون. Donc le cheikh il explique le point numéro 5 parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de cette ayatul kursi, que Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de la fatigue et la somnolence et le sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de toutes ses imperfections. Il n'est pas touché ni par la somnolence ni par le sommeil. Il dit, et si quelqu'un demandait, hein, vous vous dites que les attributs d'Allah sont élevés, sont parfaites, hein, et qu'elles contiennent les descriptions les plus parfaites et les attributs les plus complètes et parfaites. Et ici, on parle d'une négation. La négation de la fatigue, la négation du sommeil, la négation de la somnolence. Et il dit, la négation de la somnolence, c'est une, quand on parle d'une négation, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Donc il n'y a pas de glorification dans la négation en elle-même. Hein, puisque Al-Adam, le néant, hein, qui est le résultat de la négation, c'est l'absence de toute chose, l'absence, la négation. Et donc, si on dit que la négation, le néant, ici on nie quelque chose, donc comment on peut en faire une qualité ou quelque chose de parfait? Et le cheikh, il répond à ça en disant que ici, il faut comprendre une chose très importante, c'est que la négation qui est faite ici, ce n'est pas une négation de l'absolu. C'est en réalité la négation par rapport à ce qu'on a déjà affirmé de la vie qui est complète et parfaite, et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Qayyum, celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de personne, qui se suffit à lui-même, et hein, que toutes les créatures et tout ce qui existe a besoin de lui. Donc, étant donné que sa vie est complète et parfaite, et que c'est lui, hein, qui n'a besoin de rien, qui se suffit à lui-même, et que toutes les créatures ont besoin de lui, eh bien, ça c'est des exemples d'attributs de perfection. Et bien maintenant, il explique qu'il n'est pas touché par la somnolence ni par le sommeil. Pourquoi? Parce que sa vie est complète et parfaite. Hein? Et donc, le cheikh, il explique qu'il n'y a pas dans les attributs d'Allah une négation absolue, complète, hein? Une pure négation seulement. C'est toujours une négation qui est suivie de l'affirmation de son contraire absolu. Dans le sens que, par exemple, quand on dit, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'injustice, eh bien, ça implique que Allah est parfaitement juste. C'est pas seulement de nier l'injustice qui est suffisant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne font pas d'injustice, sans que ça représente pour ces choses-là une qualité, hein, ou une glorification quelconque. Hein, et souvent on peut dire ça, yani, de plusieurs choses. Comme par exemple, si je dis par exemple le mur ne fait pas d'injustice, ou si je dis la chaise ne fait pas d'injustice, ou si je dis la mouche ne fait pas d'injustice, c'est pas une qualité, c'est pas une glorification, puisqu'elle ne fait rien du tout, cette chaise. Et ce mur ne fait rien du tout, et cette mouche non plus. Donc, de dire de cet objet ou de cette chose qu'elle ne fait pas d'injustice, ça ne consiste pas à une glorification. Ça ne contient aucune glorification. Sauf que lorsqu'on nie quelque chose à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en même temps en affirmant le contraire de ce qu'on a nié, dans le sens que la perfection qui en découle vient du fait qu'on affirme son opposé. Comme par exemple, lorsqu'on nie l'injustice, eh bien, la perfection dans cette négation-là est que on affirme la justice parfaite et complète que Allah subhanahu wa ta'ala établit. La même chose ici, lorsqu'on nie la fatigue, le sommeil, la somnolence, on affirme en même temps la perfection de la vie complète d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il est celui qui se suffit à lui-même, et ainsi de suite. Et donc ici, c'est ce qu'il explique le Cheikh. Toute négation dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en réalité, ça implique en réalité une affirmation. C'est-à-dire l'affirmation du contraire de cette négation-là. Et donc il dit ici, comme par exemple, la somnolence et le sommeil, ça comprend l'affirmation de la vie qui est parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala et al-qayyumiyya, qui est celui qui se suffit à lui-même et celui que toutes les créatures ont besoin, dont toutes les créatures ont besoin. Hein? Et il dit, parce qu'il dit, quand la vie a été complète et parfaite, alors il n'y a plus besoin de dormir. Lorsque quelqu'un a une vie qui est complète et parfaite, il n'a pas besoin de dormir, puisque la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala est complète et parfaite, elle a son sens absolu, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas, puisque sa vie est entière, complète et parfaite. Et il dit, regardez les habitants du paradis, que Allah fasse que je sois parmi ceux-là ainsi que vous-même, eh bien, ils ne dorment pas. Pourquoi? À cause de la perfection de leur vie dans l'au-delà. Hein? Ils ne sont pas touchés par la fatigue, ils ne sont pas touchés par le sommeil. Et ils n'ont pas besoin de dormir dans le paradis. Donc dans le paradis, il n'y a plus de sommeil, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de... Il n'y a pas de somnolence ou de fatigue quelconque. On n'est jamais fatigué au paradis. On ne dort jamais, on n'a pas envie de dormir même. On ne se fatigue jamais. On n'est jamais épuisé. On n'est jamais... somnolent ou des choses comme ça. Non. Pourquoi? Parce que la vie dans le paradis, c'est une vie entière, complète, et parfaite. Donc il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de dormir dans le paradis. Et il n'y a pas de mort. Dans l'au-delà, dans le paradis, il n'y a pas de mort. C'est une vie éternelle. Donc ça, c'est un exemple pour expliquer que la vie est entière. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une glorification lorsqu'on nie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas touché par la somnolence ou par le sommeil. Ça, la glorification dans ça, c'est par le fait qu'on affirme la vie entière et complète et parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ في سورة فصلت وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا فهذا نفي لكنه ليس نفيا محضا لأن النفي المحض لا كمال فيه بل هو عدم ولكن لا يظلم لكمال عدله ليس في صفاته ظلم إطلاقا إذن فقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن نفي السنة والنوم عن الله مع إثبات كمال الحياة والقيومية. Donc le cheikh il mentionne justement l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de l'injustice. Il dit dans le verset 46 dans sourate Fussilat et le verset 49 dans sourate Al-Kahf, et ton Seigneur n'est pas injuste envers le serviteur, et dans l'autre verset, dans Surat Al-Kahf, le verset 49, il dit, ton Seigneur n'opprime, ne fait aucune injustice à quiconque. Et ça, c'est une négation. Mais il dit, c'est pas une pure négation, une négation pure. C'est une négation qui implique l'affirmation du contraire. Du parfait contraire. Donc ici, quand on dit par exemple que Allah ne fait pas une injustice, il dit, il n'y a pas de perfection dans ça. Pas de perfection dans le fait de nier l'injustice. Parce que la négation, c'est le néant, c'est l'absence. Tandis que ici, la négation de l'injustice qu'on implique la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour faire comprendre en fait que dans les attributs d'Allah, il n'y a aucune injustice de façon totale. Donc, quand on dit qu'il n'est pas touché par la somnolence ni par le sommeil, eh bien ça implique la négation de la somnolence et du sommeil à Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation du contraire, du parfait contraire de ça, c'est-à-dire la vie qui est complète et entière et parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il soit qayyum, celui qui gère, qui contrôle tout, celui qui se suffit à lui-même, et que tout a besoin de lui. Le point numéro 6, parmi les points qu'on peut tirer de ce verset, Ayatul Kursi, il dit le cheikh, « Umumu mulkillahi azza wa jal li qawlihi ta'ala » لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il détient il est le propriétaire et le maître et celui qui possède tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Et c'est pour ça qu'il dit dans Ayatul Kursi, c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est lui le maître et le propriétaire de tout ce qui existe. Et le point numéro 7, اختصاصه بذلك وأنه لا أحد يملك شيئا لا في السماوات ولا في الأرض سوى الله. ووجه الاختصاص أنه قدم الخبر والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ونفيه عما عداه إذن ملك السماوات والأرض لله وحده فإن قيل ما الجمع بين أن الله تعالى أثبت لنا ملكا فقال لنا أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتيحه وبين أن الملك مختص بالله تعالى قلنا ملكنا نحن ليس كملك الله عز وجل فملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود في العمل فملكي مثلا محدود فيما بين يدي ولا يشمل ما تحت يدك أنت وأنت وأيضا ملكي لما بين يدي محدود في العمل فليس لي الخيار أن أعمل فيه بما شئت ولهذا لو أردت أن أحرق مالي لكان ذلك حراما علي ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء قد يحرق ملكه بالصواعق وبغير ذلك من أنواع المتلفات إلى آخره. Donc le cheikh il dit que parmi les particularités, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à posséder ce qui existe dans les cieux et dans la terre, tout ce qui existe dans la création, et le fait que personne dans la création ne possède quoi que ce soit de ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il n'y a rien dans les cieux et sur la terre excepté que ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'où est-ce qu'on peut tirer cette signification là Eh bien c'est dans le fait que يعني le ici dans la phrase, la façon dont la phrase est formulée, hein, il dit lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Et bien ici ça, c'est le fait que on est mentionné que on dit à lui tout ce qui, hein, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le fait d'avoir inversé la phrase, de l'avoir mis, d'avoir fait cette inversion là et d'avoir mentionné celui à qui les cieux et la terre appartiennent avant, au lieu de l'avoir mis ensuite, ça donne en arabe le sens de la particularité ou bien de l'exclusivité, le fait que cette chose là elle n'appartient qu'à lui seul. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-hasr. Donc il dit si on posait la question, le fait que la propriété elle a été affirmée aux créatures également dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il a affirmé à certaines créatures la propriété de ce qu'ils possèdent, comme le verset 61 dans Surat An-Nur, où des lieux dont vous possédez les clés, hein, c'est-à-dire à propos de la permission d'entrer dans les maisons et de demander la permission avant de rentrer, excepté les lieux dont vous possédez les clés, hein. Et il explique ici le cheikh en répondant à cette question, si on dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient uniquement à Allah, pourquoi dans ce cas-là Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il affirmé la propriété à certaines créatures? Il explique que notre propriété à nous, les choses qu'on possède nous, eh bien ce n'est pas comparable à la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la propriété des créatures elle est limitée. Elle est limitée dans l'action et elle est limitée dans la réalité. Dans le sens qu'il explique que, par exemple, qu'est-ce que je possède, hein, qu'est-ce que je possède moi-même, eh bien, ça ne comprend pas qu'est-ce que toi tu possèdes. Je ne possède pas ce qui t'appartient. Donc, ma propriété, elle est limitée. Et elle est limitée aussi dans l'action que je peux faire avec, puisque je n'ai pas le choix ou je ne peux pas faire tout ce que je veux avec mon propre bien. Hein? Si je veux par exemple brûler tout ce que je possède, hein, j'ai pas le droit de le faire. C'est haram pour moi de brûler ce que je possède, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il a créé. Hein? S'il décide de le détruire ou de le brûler, hein, personne ne peut l'empêcher. Et en même temps, yani le cheikh il a pas mentionné, mais dans d'autres exemples il l'a mentionné, c'est que notre propriété elle est limitée aussi, dans le sens que on peut se le faire prendre, on peut se le faire voler, on peut également le perdre, dans le sens que par exemple si on devient malade ou si on perd la raison, quelqu'un d'autre va gérer nos biens à notre place. Ou bien on peut également les perdre, dans le sens que lorsqu'on meurt on cesse de gérer nos biens, c'est quelqu'un d'autre qui en hérite. Donc tout ça c'est des exemples qui nous montrent que ce qu'on possède c'est limité, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est pas sa propriété n'est pas limitée comme ça, il possède toute chose de façon complète, totale et absolue. Après le cheikh il dit إن السماوات جمع أي أكثر من واحدة وفي القرآن تأتي السماوات مفردة قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وقال تعالى أأمنتم من في السماء وتأتي مجموعة أيضا كثيرا قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأراضين السماوات السبع والأرض ومقدار هذا مقدار هذا الجمع سبع قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال تعالى قل من رب السماوات السبع وقال تعالى تسبح له السماوات السبع كما أن الأراضين سبع والدليل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والمثلية هنا في العدد لا في القوة ولا في السعة ولا يمكن أن تتحد السماوات والأرض إلا في العدد فتقتضي المثلية هنا أن تكون الأراضون مثل السماوات في العدد كما جاء ذلك مصرحا به في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد. Donc le Cheikh il explique aussi parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de Ayatul Kursi, c'est que les cieux sont au nombre de sept. Hein? C'est-à-dire plus que un. Et dans le Coran, on voit que les cieux sont parfois mentionnés dans le singulier, de même que parfois dans le pluriel. Et on voit aussi qu'il y a parfois la mention du nombre 7. Et il cite des exemples de ça, comme par exemple le verset 22 dans Sourate Al-Dhariyat, les cieux sont mentionnés au singulier. Et dans le verset 16, dans Surat Al-Mulk, les cieux sont mentionnés au singulier. Et il dit dans le verset 44, dans Surat Al-Isra, les cieux sont mentionnés au pluriel avec la mention de 7. Et il dit, ce pluriel c'est toujours relié à 7 comme dans le verset 12 dans Surat An-Naba Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il a créé au-dessus de vous 7 cieux et il mentionne le verset 86 dans Surat Al-Mu'minun dit qui est le Seigneur des 7 cieux et le verset 44 dans Surat Al-Isra il mentionne que les sept cieux font sa louange et le glorifient. Et il dit de même que les terres, le nombre des terres, c'est-à-dire que comme il y a sept cieux, il y a également sept terres. Et la preuve dans le verset 12, dans Surat At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah a créé sept cieux et un nombre semblable de terres. Et la ressemblance ici, c'est dans le nombre et non dans la force ou dans la grandeur, puisque c'est pas possible de réunir les cieux et la terre excepté dans le nombre. Et donc ici, la ressemblance qui est impliquée, c'est par rapport au nombre de terres qui existent. Et il dit ensuite, et cela a été mentionné de façon explicite dans la sunna, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Saïd ibn Zayd, il parle de la personne qui s'est approprié une part d'un terrain, de quelqu'un injustement. Il s'est pris il a pris, il a, yani, volé injustement une partie d'un terrain de quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accrocher au cou au jour de la résurrection de cette terre. Hein, de cette terre. Et donc, ça c'est ce qui implique que le nombre des terres sont de 7. Le point numéro 9 qu'on peut tirer de du verset Ayatul Kursi, c'est à propos de le point numéro 9, le cheikh dit quwwatu sultanillah subhanahu wa ta'ala ay annahu dhus-sultan al-qawi wa tu'khadhu هذه الفائدة من قوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فالمخلوق مهما عظم سلطانه فإنه قد يشفع عنده بلا إذنه فإنه قد يشفع عنده بلا إذنه يعني المخلوق فربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا وربما غلامه أيضا يشفع بدون استئذان منه ولكن الرب عز وجل لقوة سلطانه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه بل ولا يتكلم إلا بإذنه قال تعالى والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ولهذا تجد الملك المهيب لا أحد يتكلم في مجلسه أبدا إلا إذا هو تكلم قال الشاعر يغصي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم وهذا يدل على كمال الهيبة يعني يغصي حياء أي هو حيي يعني يغصي فلا يستطيع أن يرفع بصره إلى الناس ويغصي من مهابته انظر الفرق يغضي من مهابته فهو يغضي حياء وغيره يغضي منه مهابة فما يكلم إلا حين يبتسم أي ما دام ساكتا لا أحد يتكلم وإذا ابتسم افتح الباب فتكلموا فربنا عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه فلا تشفع الأصنام ولا يشفع النبيون ولا غيرهم إلا بإذن الله ولكنه عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى ولهذا قال العلماء رحمهم الله شروط الشفاعة 3 الشرط الأول الرضا عن الشافع والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له والشرط الثالث الإذن للشافع أن يشفع. Donc le cheikh il explique le point numéro 9 qui implique la puissance et l'autorité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient l'autorité et la force suprême. Et on tire ce point bénéfique de la parole d'Allah dans Ayatul Kursi lorsqu'il dit « Et qui intercède auprès de lui, excepté par sa permission ?» C'est-à-dire que personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander quelque chose excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les créatures, elles, peu importe la grandeur de leur autorité et la grandeur de leur puissance et de leur force dans cette vie d'ici-bas, eh bien, Yani, c'est possible que quelqu'un puisse intercéder auprès d'eux sans leur permission. Peut-être que l'épouse d'un roi, par exemple, accepte l'intercession ou intercède auprès de son mari, le roi, dans les choses les plus sérieuses et les plus graves. Peut-être même son fils, c'est-à-dire le fils du roi, il peut intercéder auprès de lui sans lui demander sa permission. Il rentre chez le roi et lui dit « Je voudrais telle chose. » Et sa femme, la même chose. Et son frère, et son oncle, et son père, et ainsi de suite. Mais Allah, le Seigneur, non. Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la puissance de son autorité, de son autorité parfaite et suprême, personne ne peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Même que personne ne peut même parler en sa présence, excepté par sa permission. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 38 dans Sourate An-Naba. Hein? Le jour où les anges seront en rang et personne, hein, les hommes vont être réunis et les anges seront en rang et personne ne parlera excepté celui à qui le tout miséricordieux a donné la permission de parler. Hein? C'est-à-dire personne ne pourra parler, personne ne va parler excepté celui à qui Allah a donné la permission de parler. Et c'est pour cette raison que tu vois que quand un roi est respecté et craint, hein, personne n'ose parler en sa présence. Hein, sauf si c'est lui qui lui permet de parler. Puis il cite un poème dans ce sens-là. Et ensuite, il explique que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Et il dit, les idoles ne peuvent pas intercéder, et les prophètes ne peuvent pas intercéder, et personne d'autre ne peut intercéder, excepté par la permission d'Allah. Mais, il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à qui il veut et à qui il a agréé. Donne la permission à celui qu'il veut et à celui qu'il a agréé. Et c'est pour cette raison que les ulama ont mentionné qu'il y a trois conditions pour pouvoir détenir ou pour pouvoir avoir l'intercession et pouvoir, disons, profiter de l'intercession. Et les trois conditions sont les suivantes. La première condition, c'est d'avoir l'agrément. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala doit être satisfait de l'intercesseur. Il doit être satisfait de l'intercesseur, c'est-à-dire la personne qui demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un. Donc l'intercesseur, c'est celui qui vient demander à Allah pour quelqu'un d'autre. Et il doit être donc satisfait de lui, et il doit être satisfait de la personne pour qui l'intercesseur vient demander. Donc ça veut dire que par exemple, celui pour qui l'intercesseur vient demander, il faut que cette personne-là aussi, Allah l'ait agréé. Donc si moi je dis à quelqu'un par exemple, va demander à un tel, yani, si il pourrait par exemple me rendre tel ou tel service. Donc, ça c'est chez les créatures, ça c'est. Dans ce cas-là, celui à qui je demande, c'est l'intercesseur, c'est lui qui va intercéder. Et moi, je suis la personne pour qui il va intercéder. D'accord? Et donc, au jour de la résurrection, celui qui va intercéder auprès d'Allah et demander pour les créatures, Allah doit être satisfait de lui et il doit être satisfait de la personne pour qui il demande. Et la troisième condition, il doit obtenir la permission, celui qui va intercéder doit obtenir d'Allah la permission pour pouvoir intercéder. Il ne peut pas intercéder comme ça directement. Il faut qu'Allah lui permette d'intercéder pour qu'il puisse intercéder. Donc ça, c'est les trois conditions. Et bien entendu, Allah ne sera jamais satisfait de celui qui est mushrik ou kafir, par exemple. Il ne pourra pas obtenir l'intercession. Parce que Allah n'est pas satisfait du kafir et du mushrik. Inch'Allah, on est arrivé donc au point numéro 10. On va lire le point numéro 10, puis on va s'arrêter. Le point numéro 10, إثبات الإذن لله عز وجل وقد استدل به من قال إن الله يتكلم قال لأن الإذن هو الكلام فأذن أي قال اشفع لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc le cheikh il dit le point numéro 10, parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de Ayatul Kursi, c'est l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission, hein, il permet. Et ceux qui ont mentionné ce point, ils se sont basés là-dessus également pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Hein? Ils ont affirmé à Allah la parole. Bien entendu, il y a d'autres preuves d'affirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Mais ça, c'est un des points qui a été mentionné comme preuve à ce sujet-là pour réfuter les innovateurs qui nient cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à quelqu'un d'intercéder, c'est la preuve qu'il parle. Parce que lorsqu'il donne la permission, il dit à la personne « Ishfa », c'est-à-dire « Tu peux intercéder ». Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui confirme cela, c'est lorsqu'il dit « Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih » qui est celui qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Personne, hein, personne ne peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Donc ça c'est le point. Salat al Maghrib. C'est à écart, hein? C'est à écart. Oui, la salat. Pour la iqama. Oui, iqama. Donc on va lire l'autre point. Le point numéro 11, puis on va s'arrêter encore, parce que je vois qu'il y a une suite en fait dans ces points-là, c'est tous les trois sont reliés. Donc on va pas couper le sujet. Donc pour être resté dans la même ligne d'idées, le cheikh il mentionne comme point numéro 11 « بطلان تعلق المشركين بأصنامهم » لأنهم يقولون هؤلاء الشفعاءنا عند الله فيقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذن لا تشفع هذه لأن الله لا يرضاها فلا يرضى أن تشفع وقد أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالله عز وجل أبطلها من كل وجه فلا يملكون شيئا ولا يشاركون ولا يعينون ولا يشفعون وهذه الأصنام لا تملك شيئا على وجه الاستقلال ولا تملك شيئا على وجه المشاركة ولا يعينون الله بشيء وإن انتفى ملكهم لقوله تعالى ما له وما له منهم من ظهير ولا يشفعون لقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ففي الآية الكريمة آية الكرسي قطع تعلق المشركين بآلهتهم لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc le cheikh il explique que comme point numéro 11 parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de Ayatul Kursi, la fausseté de l'attachement des mouchriquins envers leurs idoles, ou que l'attachement que les mouchriquins ont pour leurs idoles, cet attachement elle est complètement anéantie et détruite par ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là puisqu'il mentionne ici que les mouchriquins, ils disent de leurs idoles que ce sont des intercesseurs pour eux auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset dans Ayatul Kursi, qui est celui qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Et donc personne, hein? Et donc ces idoles ne peuvent pas intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne les agrée pas, hein? Il ne va pas accepter qu'elles intercèdent pour ceux pour qui ils viennent intercéder. Il n'acceptera pas qu'elles intercèdent, et il n'acceptera pas non plus pour qui ils auraient souhaité qu'il y ait une intercession. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a complètement nié tout attachement que les mouchriquins pourraient avoir pour leurs idoles, et il a détruit tous les arguments qu'il pourrait ramener pour essayer de justifier cet attachement-là. Et dans la réfutation de ça, ou l'explication de ça, c'est le verset 22 et 23 dans sourate Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne et dit « Dis au Muhammad, au mushrikin, ceux qui sont associés avec Allah et qui adorent autre qu'Allah, qui invoquent autre qu'Allah, invoquez ceux que vous pensez être vos intercesseurs en dehors d'Allah. » Et là, il commence à mentionner, premièrement, qu'ils ne détiennent même pas le poids d'une atome dans les cieux et sur la terre. Donc, ils ne possèdent rien. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ. Ils ne sont pas non plus des associés, hein, ou des partenaires dans quoi que ce soit de ce qui existe dans les cieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et en plus, il dit ensuite, وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas non plus besoin de leur aide ou de leur apport en quoi que ce soit, ou de leur support en quoi que ce soit. Et la quatrième chose ensuite, il nie, la dernière chose qui reste, c'est l'intercession. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. C'est-à-dire que l'intercession ne peut être profitable ou bénéfique auprès de lui, excepté pour celui à qui il a donné la permission qu'on intercède. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a détruit sur tous les plans, sur tous les points de vue, hein, l'attachement qui pourrait exister entre les mushrikins et leurs idoles ou les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah. En disant premièrement qu'ils ne détiennent rien, qu'ils ne sont pas non plus des associés ou des partenaires dans quoi que ce soit de ce que Allah a créé, et ils ne sont pas non plus des aides pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne peuvent pas non plus intercéder auprès de lui. Donc ici on voit clairement que toutes ces choses que les gens adorent en dehors d'Allah et ses idoles, elles ne détiennent rien de façon indépendante, et elles ne détiennent rien non plus par partenariat ou par association, et qu'elles n'aident Allah en rien du tout. Et donc ici la propriété est complètement reniée et rejetée ici. Et ensuite il dit, Allah n'a pas besoin de leur aide, et ils ne vont pas non plus intercéder. Et donc Allah a coupé tous les liens qui existent donc entre les mouchriquins et leurs idoles dans cette parole, lorsqu'il dit, et qui est celui qui pourra intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Donc ça, c'est un verset qui est très clair à ce sujet-là et qui est vraiment important à connaître et à comprendre pour réfuter les mouchriquins et ceux qui s'attachent à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala pour quoi que ce soit, yani, ou pour l'intercession en particulier. Yani, c'est un verset qui est vraiment important pour comprendre ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, inshallah, dans l'explication de ce livre. Après Salat al-Maghrib, inshallah, on va faire tafsir. Continuer le tafsir de Surat al-Baqarah, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.